Pendant ce temps, la comtesse se rend au rendez-vous prétendument donné par Suzanne au comte à l'insu de Figaro. Mais Figaro, ignorant le plan de la comtesse et se croyant trompé par sa fiancée Suzanne, se rend lui-même le soir au lieu de rendez-vous donné au comte dans un parc du château.